Leçon 3. Document 1, page 78. 1. Vous avez des magazines de mots croisés ? Oui, j'en ai beaucoup. Vous connaissez Motus ? Non, je ne le connais pas, c'est bien ? Très bien. Bon, je le prends. 2. Vous avez de la fièvre ? Oui, je crois que j'en ai un peu. Voilà, de l'aspirine, mais n'en prenez pas trop. 3. Le nouveau livre de Paul Dupré, vous l'avez ? Oui, je l'ai. Il est arrivé hier. J'en voudrais 10. 10 ? Mais je n'en ai pas assez. 4. Vous prenez des gâteaux ? Oui, mais n'en prends pas trop, les enfants n'en mangent pas. Tu les choisis ? Oh, il y a des bonbons. On en prend. Oh, il y a des bonbons. On en prend. Oh, il y a des bonbons.